Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Ce balado vous est présenté par la toute nouvelle Ascent 2019, la plus grande Subaru jamais construite. Elle a trois rangées, de la place pour 7 ou 8 personnes, 19 porte-gobelets et la sécurité légendaire d'une Subaru. Venez la découvrir chez votre concessionnaire Subaru participant. Subaru, confiance et évolution. Le balado commence dans 3, 2, 1. Pauline Julien, quand vous chantez, avez-vous l'impression parfois de faire de la politique? Je n'ai jamais chanté pour la politique, mais je me demande si à un moment donné, les esprits ne vont pas devenir assez chauffés et que, et enfin, les circonstances aidant, on va se mettre à chanter, pour, du moins pour un but, avec assez de ferveur dans ce sens-là. Pour la libération du Québec, quoi, disons-le carrément. Et cela, Pauline, vous est agréable? Je crois que c'est nécessaire. Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Pauline Julien, passionnément la vie. Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est rare que tu trouves ça, c'est que elle avait un genre de goût d'avoir des textes. Elle avait le goût des poètes, elle avait le goût de faire des musiques, de faire des rencontres, entre, pas juste des rencontres personnelles, mais des rencontres entre des auteurs, puis des musiciens. Et ça, je considère que c'est un talent rare. Oui, oui, tout à fait. Elle mettait les gens ensemble. L'homme de théâtre et historien Jean-Claude Germain, à l'émission « Ici, tout est permis » en février 2012, passionné des autres, passionné de mots et de poésie, passionné en amour et en amitié, passionné du Québec et habité par ce rêve du pays, c'est bien sous le signe de la passion que va vivre Pauline Julien jusqu'à sa mort il y a 20 ans, le 1er octobre 1998. Constamment étonné, surpris un peu, débalancé, si vous voulez, par ses réactions face à ce qui se passe dans notre vie. Mais c'est très stimulant. Et puis, l'autre jour, je lui ai fait un poème qui résume un peu ce que je pense de sa position par rapport à la vie. « Je t'adore, sans ton tu adores. » Comment dit, le refus de... Le refus du tchador, c'est le refus des règles, des principes et des convenances. Et c'est parce que Pauline, précisément, refuse les tchadors ou les règles des femmes avant le féminisme que je l'aime. Sans ton tchador, je t'adore. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse. Tendre, douce. Ce soir, l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Sur la chanson « L'âme à la tendresse », vous entendiez le poète, homme politique Gérald Godin rendre hommage à Pauline Julien, avec qui il a passé plus de 30 ans de sa vie, extrait de l'émission « Ici comme ailleurs », diffusée en janvier 1990, pour nous rappeler tout ce qu'a représenté Pauline Julien pour la chanson québécoise des années 60, 70, 80, pour nous parler aussi de ce qu'elle a incarné avec son compagnon Gérald Godin dans ce Québec qui marchait vers la modernité et rêvait d'indépendance. Je reçois trois femmes qui ont toutes un lien privilégié avec Pauline Julien. Ma collègue Monique Giraud, animatrice à ICI Musique. Monique, bonjour. Cher Jacques. La comédienne Marie Tifault, qui était du spectacle La Renarde et le Mal peigné, dans lequel elle lisait avec son compagnon Pierre Curzi des extraits de correspondance de Pauline Julien et Gérald Godin. Marie Tifault, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Et puis Pascal Ferland, qui a consacré un film à Pauline Julien, le film Pauline Julien intime et politique. Pascal Ferland, bonjour. Bonjour. Premier tour de table pour que vous me parliez un petit peu de votre Pauline Julien, de la manière dont vous l'avez rencontrée. Ce qui vous intéressait aussi en elle, ce qu'elle représente pour vous aujourd'hui encore. Pascal Ferland, d'abord, vous venez de consacrer un film, un documentaire à Pauline Julien. Pourquoi avoir voulu faire un film sur Pauline Julien? Qu'est-ce qui vous intéressait chez elle? Bien, d'abord, j'avais besoin, je crois, d'avoir un modèle féminin inspirant. Oui. Et vraiment, je parle d'inspiration, là, c'est qu'on vit dans une époque sans passion, sans projet politique. On a tendance à oublier ce qui s'est passé avant nous. Donc, je trouvais que la mémoire de cette femme-là s'estompait et j'avais un désir vraiment de la faire revivre et de la faire découvrir aux jeunes. Femme forte, femme engagée, on y revient, femme passionnée. Vous l'avez connue, Monique Giroux, Pauline Julien. Parlez-moi un peu de votre rencontre avec elle puis de ce qu'elle, la place qu'elle a fini par occuper dans votre vie. Je l'ai rencontrée deux fois. D'abord, toute petite enfant, quand je l'ai vue comme tout le monde à la télé, je suis née en 63, donc très rapidement, du plus lointain que je me souvienne, je vois Pauline danser avec sa grande robe rouge, un bras qui part au sud, l'autre qui part au nord, avec ses cheveux, et suivez mon regard, qui s'en vont comme ça derrière. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette flamboyance? Qu'est-ce que c'est que cette femme qui voulait être danseuse à l'origine? Hein? Et une fois qu'on l'a compris, on comprend aussi tout le mouvement, au propre et au figuré, que Pauline a mis au travers de sa vie et de son œuvre. Et c'était pour moi un modèle. C'était une femme remarquable. C'était une femme, tu vois, qui était véritablement un modèle. Je parle souvent de Miracry, je l'ai souvent dit. Cette génération de femmes-là, pour la jeune fille que j'étais, était vraiment, vraiment très, très inspirante. Et donc, à la fin des années 90, j'étais déjà ici à Radio-Canada au Refrain d'abord, et je reçois une invitation d'une proche de Pauline qui me dit « Pauline veut inviter des amis parce qu'elle ne va pas bien. Elle va faire de son propre gré 500 exemplaires de son disque Brecht-Kurtweil pour laisser une trace. » Il n'y avait aucun CD de Pauline Julien. Il n'y avait plus rien qui existait à ce moment-là de Pauline. Donc, j'ai été invitée très, très intimidée. Je l'ai rencontrée, je l'ai saluée. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle me connaissait. J'étais à l'antenne déjà depuis 5 ans au quotidien, mais ce n'est pas des choses qu'on imagine. Et là, je me suis dit, c'est pas vrai, c'est pas possible qu'il y ait juste 500 de ses proches qui aient un album et qu'elle soit obligée de le faire elle-même. Ouais. Alors, j'ai fait un album double des chansons de Pauline et là, on est devenus vraiment des amis. Donc, projet professionnel, mais début d'une amitié. Ben oui, forcément. Parce qui que va durer jusqu'à la toute fin. Ben voilà, exactement. Ouais. Marie Tifo, c'est peut-être plus par les... Il y a eu une rencontre, vous avez fini par la rencontrer, mais j'allais dire, c'est plus par les mots que s'est faite la rencontre, peut-être. Oui, mais je l'ai quand même rencontrée en 79 lors de la première des Bons Débarras de Régent du Charme. Elle est arrivée à la fin parce que ça a été une drôle de représentation. C'était à la fin, c'était un silence de mort dans la salle. Et ça, pour des gens qui viennent de travailler sur un film, c'est épouvantable. Ouais. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Et là, Pauline est arrivée et elle m'a pris dans ses bras et elle pleurait. Pauline étant une amie très, très chère de Régent du Charme. Et par la suite, je l'ai toujours retrouvée au théâtre. Elle venait voir des shows et je la rencontrais par la suite. Sauf que en 2003, Lorraine Pintal a monté L'Hiver de Force. Oui. Et là, c'était le personnage principal qui était le petit pois, la toune. C'était vraiment, pour moi, c'était vraiment Pauline. Oui. Et donc, dans tous ces mots qui étaient écrits par Régent du Charme, je retrouvais la Pauline que j'avais rencontrée, que je ne connaissais pas, mais qui était là et que j'avais à interpréter tous les soirs. Puis par la suite, ben, ce personnage-là m'a quand même habité, puisque par la suite, on a fait les lettres d'amour. Oui. Donc vous aurez été, sur scène en tout cas, Pauline Julien. Sur scène, ben en fait, oui, sur scène. Est-ce que je m'inspirais de Pauline Julien? C'était pas un personnage qui représentait Pauline, mais on sentait que ce personnage-là, que Régent du Charme, s'était vraiment inspiré de cette passion, de cette angoisse, de cette fragilité d'un personnage plus grand que nature. On va vous retrouver dans quelques minutes pour nous attaquer en quelque sorte à la vie, au parcours exceptionnel de Pauline Julien, mais je vous propose d'abord d'écouter une entrevue que j'ai réalisée hier avec son fils, Nicolas Galipeau. Pauline Julien avait une fille, Pascal, et un fils, Nicolas, d'un premier mariage avec Jacques Galipeau. Voici donc cette entrevue avec son fils, Nicolas. Faudrait-je arrêter de me laisser aller, de grignoter toute la journée, puis de fumer le reste du temps. Faudrait-je me grouiller absolument? Faudrait que je me donne un coup de pied. Faudrait que j'aie de l'initiative. Un extrait de la chanson « Faudrait qu'on vient l'entendre », c'est la chanson de votre mère que vous préférez, Nicolas Galipeau. D'abord, bonjour. Merci d'être avec nous. Pourquoi c'est cette chanson-là? Quand on vous a demandé « Qu'est-ce que vous voudriez entendre? », vous avez dit « Faudrait ». Pourquoi? Premièrement, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. Si je ne me trompe pas, elle n'est pas sur les compilations. Enfin, moi, je n'ai pas l'enregistrement. Et d'autre part, c'est que je trouve que ça lui ressemble un peu. Ouais. Bien que cette chanson-là est aussi une caricature où on peut tous se reconnaître. Mais, qu'est-ce qui lui ressemble dans cette chanson? Ben, c'est ça, c'est ses insécurités. C'est quelqu'un qui pouvait à la fois performer magnifiquement, être très sûre d'elle et galvaniser une foule. Mais quand, justement, elle n'était pas en représentation, elle était extrêmement insécure. Ouais. Et, même sur des petites choses de la vie, là, si je reviens au texte de la chanson, y a quelque chose de très concret, de très quotidien, de ludique aussi, très quotidien dans cette chanson-là, Faudrait. Qu'est-ce que ça nous dit sur elle, sur qui elle était, Pauline Julien, qui elle était comme mère? J'étais quelqu'un d'amusant, hein, qui aimait la vie, qui était plaisante. Il y avait des fêtes magnifiques chez nous. Elle était très affectueuse, très aimante. D'autant plus qu'elle était malheureusement souvent absente. Oui. Personnellement, je n'ai pas toujours été premier de classe. On sait aujourd'hui l'importance des parents. C'était difficile, ça. Parce qu'elle est une chose qu'on réalise, entre autres, en voyant le film documentaire de Pascal Ferland, qu'on a un peu oublié. Moi, en tout cas, je l'avais un peu oublié. C'est à quel point votre mère, Pauline Julien, fin des années 50, mais les années 60-70, elle est très, très connue. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est très aimé au Québec, en France, qui voyage beaucoup, donc qui est très peu chez vous. Exactement. Alors, ça se passe comment pour vous, pour votre sœur, cette absence-là? Moi, je vous dirais que l'enfant que j'étais, je ne peux pas parler pour ma sœur, mais l'enfant que j'étais avait le sentiment de profiter d'une indépendance, d'une liberté, d'un manque de supervision. Là, je le dis avec mon regard d'adulte aujourd'hui. Donc, êtes-vous conscient de qui est votre mère à ce moment-là, quand vous êtes jeune gamin? Écoutez, dès que j'ai eu l'âge de le faire, j'allais voir tous ces spectacles, pas tous ces spectacles, mais les premières. Et je vous avouerai que je me souviens très bien de sentir l'enthousiasme, l'amour du public et de voir comment elle assurait sur scène. Alors évidemment, l'enfant et par la suite l'adolescent que j'étais était évidemment très fier de sa mère. Ouais. Vivre avec Pauline Julien, être le fils de Pauline Julien, c'est évidemment donc vivre sous le même toit que Pauline Julien et Gérald Godin. C'était un sacré couple, un couple qui est devenu en quelque sorte mythique au Québec. Couple qui a vécu, dit-on, un amour passionné et passionnel avec tout ce que ça veut dire. Comment ça se passe quand on est au milieu de tout ça, Nicolas? Ben, disons que moi, ce que je retiens surtout, c'est les merveilleux soupers, les invités. Ouais. Il y avait presque toujours des gens intéressants, surtout quand elle était là, bien sûr. Probablement aussi quand Gérald ne voulait pas manger seulement avec nous. Gérald avait un petit peu moins la fibre paternelle, disons. Ouais. Toujours est-il que les fêtes, c'est ça. Sinon, évidemment, elle chantait. Quand j'étais très, très jeune, elle nous chantait des berceuses, c'est évident. Et par la suite, on était portés à chanter avec elle. Et un bouillonnement culturel, je pense, au moment où vous quittez l'ouest de la ville, vous êtes au Square Saint-Louis, c'est le Québec des années 70. Tout le monde débarque chez vous, Ducharme, Jean Ducharme et tous les autres. Ça doit être extraordinaire, ça. Oui, je me souviens de rencontrer Miron au coin de la rue. J'étais un jeune adulte, puis même faire la conversation. Je l'avais croisé quelques fois avec eux. Mais qui me donne de l'attention comme ça, j'étais un peu estomaqué. Et c'était quelqu'un qui était très, très généreux. Sinon, Régent Ducharme, oui, je l'ai rencontré, mais c'était plutôt avant, sur la rue Selkirk. Mais sinon, côté culturel, je voudrais rajouter aussi que Pauline, quand elle voyait un spectacle ou un film ou une exposition qu'elle avait apprécié, on ne pouvait pas ne pas y aller. Elle avait une force de conviction. Il faut que tu ailles voir ça, absolument. Ta vie en dépend, là. Elle disait pas ça, mais on le ressentait comme ça. Et j'en ai gardé une très, très grande soif culturelle. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle vous laisse autrement? L'héritage que vous laisse votre mère, quand vous y repensez, elle est morte il y a 20 ans, là, dans quelques jours. L'intensité. Ouais. Par exemple, bon, elle est connue côté peut-être plus sombre pour ses merveilleuses engueulades, mais avec les enfants aussi. Sauf que ce qui était absolument formidable avec elle, c'est qu'à la seconde où on avait dit ce qu'on avait à nous dire réciproquement, l'attention était terminée, on se prenait dans nos bras et on parlait d'autre chose comme si de rien n'était. Ouais. Et pour moi, c'est ça l'intensité, être capable de s'engueuler sans avoir du ressentiment envers l'autre. Ouais. Vous en avez très peu parlé publiquement. Vous avez donné très peu d'entrevues au sujet de votre mère. Là, vous en donnez quelques-unes. Pourquoi? Pourquoi maintenant vous dites « ça y est, j'en parle » ? Parce qu'on vient me chercher, ouais. Parce que c'est le 20e anniversaire. Je ne suis pas une personne publique. C'est pas, je n'ai pas d'occasion d'en parler. J'en parle avec mes amis, parfois un peu, mais avec mes collègues de travail un petit peu aussi. Mais je vous dirais que pendant très longtemps, j'étais peut-être un peu complexé par rapport à ça. Je voulais pas être le gars qui se pète les bretelles. Ma mère est connue. Au contraire, j'évitais le sujet le plus possible. Mais bon, ben, à un moment donné, les gens m'en parlaient. J'ai pris l'habitude, puis avec la maturité, avec, c'est ça, avec le temps, on apprend à faire la distance, à faire la part des choses. Nicolas Galipeau, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci infiniment, Nicolas. Merci, ça m'a fait plaisir. Prenez-moi comme je suis, sans médaille ni diplôme, une femme parmi d'autres, l'œil hagard, l'air inquiet. Prenez-moi comme je suis, impossible de faire mieux, car on est comme on peut. Prenez-moi comme je crie, quand je crois que je chante. De retour avec mes trois invités pour cette émission consacrée à Pauline Julien, Monique Giraud, Marie Tifot, Pascal Ferland. Un mot peut-être encore sur Pauline Julien, la mère, à la suite de ce qu'on vient d'entendre. Il en est très, très peu question dans votre film de cet aspect-là, Pascal Ferland. Pourquoi? En fait, parce que, on le sait, les personnalités publiques, surtout à cette époque-là, ouais. Les femmes commençaient à s'émanciper. Il n'y avait pas les programmes sociaux qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est sûr que les enfants ont beaucoup plus souffert de l'absence de leur mère dans ces époques-là, ouais, qu'aujourd'hui. Évidemment, aujourd'hui, c'est quelque chose de dramatique qu'on aurait tendance à vouloir critiquer. Mais moi, je ne me donnais pas l'autorisation d'aller là, justement parce que, dans le contexte, ces femmes-là avaient besoin de faire ces choses-là pour faire avancer la cause féministe. Et j'avais un grand respect pour ça. Ouais. Et en accord avec les enfants aussi, on a décidé de ne pas trop aller dans cette zone-là. Et ça, c'est une réalité, Marie Tifot, qui doit, ouais, vous parler. Vous. Moi, je peux dire que j'ai été une actrice dans les années 70. J'ai eu un fils. Et c'est sûr qu'il n'y en avait pas de garderie à ce moment-là. Et si tu voulais, toi, t'affirmer, suivre ton destin, c'est sûr qu'il fallait que tu fasses des choix, ouais, et que tes enfants y suivaient de toute façon. Et tu poses la question, je pose la question à mes enfants maintenant, et je leur dis, mais est-ce que vous avez secrété dur pour vous autres? Ils se rendent même pas compte, ouais, de ça. Au contraire, ça a fait des enfants très, très débrouillards. Ça fait la cuisine. Nos garçons sont formidables. Alors, non, faut pas trop en mettre sur le dos des femmes des années 70. Monoloy aimait une blanche, Jack Monoloy était indien. Il la voyait tous les dimanches, mais les parents n'en savaient rien. Tous les boulots de la rivière Mingan, tous les boulots se rappellent. La mariouche, elle était belle, Jack Monoloy était fringant. Pauline Julien, vous avez eu la chance de faire connaître aux Parisiens les chansons de Gilles Vigneault, déjà. Oui. Entre en particulier Jack Monoloy. Oui, et c'était un très bon accueil. Enfin, on aimait beaucoup à Paris cette poésie quand même un peu nouvelle, ce langage et cette musique aussi, quand même, qui tient notre folklore et qui ne ressemble pas tellement à la leur. Vous êtes devenue maintenant la spécialiste des chansons de Gilles Vigneault. La spécialiste. Vous avez... J'aime beaucoup les chansons de Gilles Vigneault. Est-ce que c'est un besoin très important dans la carrière d'une interprète que de trouver son auteur-compositeur? Enfin, là, je ne dirais pas que c'est mon auteur-compositeur, mais enfin, c'est une chance assez inouïe de trouver un type qui compose des chansons et avec qui je puisse coller, enfin, cette expression entre guillemets, presque à 100% dans les idées, dans la façon de s'exprimer et dans la musique aussi. La mariochette au village, Jack Monoloy est au fond de l'eau, à voir flotter dans les nuages, et les canaux et les billots, tous les boulots de la rivière Mingo, tous les boulots en mémoire, et leur écorce est toute noire, puis que Monoloy a sacré le camp, tchac, tchac. Pauline Julien qui répondait aux questions de Pierre Nadeau à l'émission Aujourd'hui en janvier 1963. La carrière de Pauline Julien, elle commence vraiment de manière significative en France, où elle va chanter en effet certaines chansons de Gilles Vigneault, mais aussi des chansons de Boris Vian, des chansons de Kurt Weill, par exemple. C'est pour étudier le théâtre que Pauline Julien va d'abord à Paris, mais c'est comme chanteuse qu'elle va se faire remarquer. Parlez-nous, Monique Giraud, de ces années parisiennes de Pauline Julien. À quoi ça ressemble, cette vie, cette carrière parisienne pour Pauline Julien? Avant 1951-52, les Parisiens ne connaissent pas les Canadiens français, parce que c'est ce qu'on disait à l'époque. C'est jusqu'à ce que Félix aille y mettre les pieds pour 2 semaines et pour finalement y rester 2 ans. C'est d'ailleurs en France beaucoup qu'il a été remarqué, puisqu'ici, il s'adonnait essentiellement à l'écriture de théâtre et puis il chantait pendant que les comédiens se changeaient entre 2 actes. Mais les Français ont vraiment découvert non seulement Félix, mais qui nous étions. Mm-hmm. C'est-à-dire que Félix est arrivé avec toute sa candeur, et c'est important que je parle de lui, et sa guitare, en chantant des chansons comme ça à l'époque où on chantait des espagnolades, Tino Rossi, Luis Mariano, etc. Alors Guy Béard, Jacques Brel, Brassens ont découvert de la bouche et de la guitare d'un Québécois qu'on pouvait aussi faire des chansons en s'adressant directement au public, sans fioritures, sans falbala et sans... Ouais. Bon, voilà. Alors, à la suite de Félix, Raymond Lévesque s'est rendu en France aussi. C'est en France qu'il a écrit « Quand les hommes vivront d'amour », il faut le savoir, c'est là qu'il l'a écrit, à l'époque où M. Languérand lui-même était correspondant de Radio-Canada. Et il fallait, on l'a vu avec les signataires d'Orchid Global, avec plein d'autres gens de théâtre, avec il y en a qui sont revenus aussi, Jeannine Souto qui est arrivée avec Desglins, etc. Bon, il se passait beaucoup, il y avait une grande transhumance entre la France et le Québec à cette époque-là. C'est le contexte dans lequel atterrit Pauline Julien. Absolument, 1956. Ouais. Elle y côtoie évidemment les Québécois qui sont là, dont Raymond Lévesque. Il faut bien gagner sa croûte aussi. Ouais. On peut y étudier le théâtre en effet, mais il y a tout plein de petites boîtes à chansons, de petits lieux chez Moineau, par exemple, des lieux comme ça, des petites boîtes formidables où on chante dans 2-3 lieux différents par soir et où on se fait entendre. Donc, elle y chante du Léo Ferré, elle y chante du Boris Vian, bien avant d'ailleurs que de chanter du Vigneault, puisque Vigneault commence la chanson en 61. Ouais. Le premier album de Pauline sort en 61, et si en 63, elle dit à Pierre Nadeau, ce n'est pas mon auteur, c'est que Monique Lérac vient d'enregistrer à ce moment-là le fameux disque Lérac chante Vigneault éveillé, qui est un monument de chansons. Alors, je sens dans la réponse et dans le sourire de Pauline qu'elle ne veut pas s'approprier Vigneault, puisque Monique Lérac en a pris un. Mais ça va bien pour elle, et c'est ça. Elle gagne sa croûte, comme vous le dites, en chantant dans ses petites boîtes. Parfois, c'est évoqué dans votre film Pascal Ferland, parce que parfois, plus d'un spectacle par soir, d'ailleurs. Et une chose, puis je le faisais remarquer à son fils, que moi, j'ai redécouvert Pascal Ferland en voyant votre film, c'est... Elle est vraiment très connue, là. Début des années 60, en France, au Québec, c'est quelqu'un de très connu, Pauline Julien. On a perdu ça de vue. C'est une superstar. Ouais. Et pourquoi c'est une superstar? C'est qu'elle a commencé sa carrière en France. Donc, les 6 premières années, elle les passe en France. Elle se fait connaître là-bas. Quand elle arrive au Québec, elle est déjà connue. Le même concept que Félix, en fait. Ouais. Oui, exactement. Et donc, le fait qu'elle... On l'attend. Elle arrive au Québec. Elle arrive au Québec. Et le fait que ce soit une Québécoise connue à Paris qui arrive au Québec, bien évidemment, ça a une incidence. Et donc, tout de suite, comme vous dites, on l'attend. Ouais. Son premier album s'intitule « Enfin, Pauline ». Oui. C'est très évocateur comme titre. Il y a une chose, elle est connue donc en France, au Québec, elle va faire des tournées aussi ailleurs dans le monde, mais une chose aussi que je ne connaissais pas, que je ne savais pas, que je n'avais pas réalisé, en tout cas Pascal Ferland, dont parle votre film, c'est qu'elle est très connue et appréciée au Canada anglais également, comme chanteuse. Et politiquement, quand elle s'engage politiquement, elle tient à parler au Canada anglais. Il y a une scène formidable dans votre film où elle donne une entrevue à Patrick Watson, le célèbre journaliste canadien anglais, pour expliquer un petit peu pourquoi il faut faire du Québec un pays. Parlez-moi de ça, pourquoi c'est important pour elle, mais en fait, plus largement, comment décririez-vous cette relation qu'elle a comme chanteuse, plus tard comme femme engagée, Pauline Julien, avec le Canada anglais? Mais en fait, Pauline est une femme authentique et charmante. Donc déjà, elle en profite de ce charme-là pour faire passer ses positions affirmées oui. pour la langue française, pour la souveraineté du pays. D'ailleurs, dans cette entrevue avec Patrick Watson, il y a presque un jeu de séduction. Ah oui, on sent qu'il est admiratif de Pauline. Mais en fait, si tout ça fonctionne pour elle, c'est aussi parce qu'elle ne les méprise pas. Elle les respecte. Et ça, ils le sentent. À tel point que quand Pauline est emprisonnée pendant la crise d'octobre de 70, il y a des journalistes anglophones qui vont prendre position pour elle et en disant, ben écoutez, qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là? Ouais. Vous en avez contre sa notoriété, libérez-la. Donc, c'est ça, en fait. Elle restait elle-même. Il a besoin, j'imagine, de s'adresser tellement investi, convaincu de dire, je vais leur expliquer pourquoi on veut faire un pays. C'était son souffle, c'était son sang. C'était d'une grande fluidité, cet entretien avec Watson, parce qu'elle dit tout simplement ce qu'elle est. C'est la couleur de ses yeux, c'est l'air qu'elle respire. C'est tout simplement ça. Et ne vous en faites pas, soyez sans crainte, nous venons en amis, comme on dit parfois. Ouais. C'est un peu ça qu'elle dit. Mais excusez-moi, je vais juste rajouter, parce qu'à tel point que, pendant cette entrevue-là que vous citez, Monique, Patrick Watson est allé voir le premier ministre Trudeau après avoir parlé à Pauline en disant « Mais oui, mais Mme Julien nous l'explique tellement bien, c'est tellement légitime de vouloir leur pays. Pourquoi vous, tu sais, pourquoi vous leur avez donné... » Il aurait fallu que ça soit enregistré. Ça me fait oui. Mommy, mommy, I love you dearly. Please tell me how in French my friends used to call me Paul, Lise, Pierre-Jacques ou Louise. Gros Papineau, Gautier, Fortin, Robichaud, Charbonneau. Mommy, mommy, how come it's not the same? Oh, mommy, mommy, what happened to my name? Oh, mommy, tell me why. It's too late, much too late. Mommy. La chanson « Mommy », cette chanson-là avec « L'âme à la tendresse », c'est les deux plus grands succès de Pauline Julien. Deux chansons, Monique Giraud, qui sont tirées d'un même disque, « Charade », qui paraît en 82. Qu'est-ce qui, pour vous, Monique Giraud, constitue le meilleur de ce que nous a laissé Pauline Julien en chanson? Pauline Julien, on a tendance, et vous aussi, Jacques, et c'est normal aussi, c'est légitime aussi, de dire la chanteuse Pauline Julien. Et c'est rien contre les chanteuses. Pauline Julien est une interprète. Oui. C'est-à-dire que, oui, elle a la voix qu'elle a, qui est une voix très distincte, mais c'est une interprète. C'est-à-dire que... La femme de théâtre n'est jamais très loin. Forcément, voilà, ouais. Exactement. On disait des diseuses à une autre époque. Mais c'est véritablement une interprète qui vit, non pas un personnage, mais qui s'incarne elle-même dans les chansons qu'elle chante et qui a en elle une générosité et une bienveillance telle et un altruisme tel qu'elle ne peut pas faire autrement que de nous toucher, puisque elle nous parle à nous, à chacun de nous. Et c'est une espèce de, on a dit passionnariat, oui, fougueuse, intense, tout ça. Bon, mais elle a cette espèce de grand amour universel, ça fait précieux de le dire comme ça, mais elle aime l'autre, les autres. Et dans la transmission de ce qu'elle dit, qui est, je me répète, son cœur qui bat, son sang qui coule dans ses veines, ça ne peut pas faire autrement. Il y a ce je-ne-sais-quoi, ce « duende », comme on dit en Amérique du Sud, cette chose-là qui se définit mal, mais qui est à nul autre pareil. Marie Tiffaut. Et cet amour-là qu'elle avait pour les autres, qu'elle nous transmettait, bien, moi, j'ai remarqué, quand on est allé dans les maisons de la culture, où les gens venaient pour entendre, bien sûr, pour nous, bien sûr, mais pour quand Pauline. Quand vous présentiez ce spectacle. Quand on présentait la renarde et le mal peigné partout à Montréal, dans les maisons de la culture, les gens venaient pour Pauline. Oui. Et c'était les paroles, la parole de Pauline. Qui touche au cœur et l'interprétation. C'était ça qu'on remarquait tout le temps, chaque soir. Et à la fin de chaque spectacle, les gens nous chantaient, parce qu'à la fin, on mettait « J'ai l'âme à la tendresse », les gens chantaient avec nous. Et ça, cet amour-là, tu le retrouvais dans la salle, c'était l'amour pour Pauline. L'âme pour à la cette tendresse, chanteuse. Une chanson dont elle a écrit les paroles. Hein. Il faut savoir que oui, elle a chanté les autres, mais elle a quand même écrit une trentaine de chansons de son répertoire. Ouais, plus tard, elle va s'y mettre, effectivement. Oui. On se connaît un peu, j'espère. on s'est déjà souri beaucoup. Le chemin qui nous reste à faire a pris des heures de rendez-vous. Et ça pourrait sembler tout rose, un peu trop facile, je sais, à t'enchanter de belles choses. Un peu de plus, on y croirait, mais moi, je ne sais pas. Je pense que c'était un grand amour qui a duré d'ailleurs 32 ans, et plus peut-être, mais je trouve que c'était aussi par moments un amour très difficile. Alors, parce qu'il faut quand même se mettre dans la tête que ces gens-là étaient souvent séparés. Et à cette époque-là, il n'y avait pas le courriel et ils s'écrivaient des lettres et ça prenait du temps avant que les lettres arrivent. Et c'était des gens qui étaient engagés, chacun de leur côté, dans leur et avec tous les aléas de la vie courante aussi. Pauline avait deux enfants. Gérald, à un moment donné, a eu sa carrière de politicien. Et tout ça faisait que, moi, je pense que c'était merveilleux dans un sens, mais aussi pas facile. Il était malade, elle a été très malade aussi. Et il y avait aussi... C'était les années 70, où on se permettait des choses de chaque côté. Moi, en tout cas, je suis ambivalente. Je trouve que c'est un grand amour, mais un amour parfois... Mais est-ce que les grands amours ne sont pas aussi difficiles? Probablement. Oui. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'avance et je me bats, mais moi, je ne sais rien, je ne sais rien. Je cherche mon chemin. Sur la chanson « Je cherche mon chemin », vous entendiez la biographe de Pauline Julien, Louise Desjardins, à l'émission « Vous m'en direz tant », animée par Lorraine Pintal en 2009. On ne peut évidemment pas faire une émission sur Pauline Julien sans parler de ce couple qu'elle a formé avec Gérald Godin. Pascal Ferland, comment décrire cette relation-là? C'est une relation, en tout cas au début, parce que moi j'ai lu presque toute la correspondance. Au début, on sent une espèce de lutte de pouvoir. C'est drôle parce que Pauline a 10 ans de plus que Gérald. C'est une star, mais Gérald essaie quand même de s'imposer. Donc, c'est très drôle de voir à quel point autant cette femme-là peut montrer sa force à travers sa correspondance. Des fois, elle devient extrêmement vulnérable. Donc, il y a vraiment, je dirais, des époques qui sont marquées par... Il y a un bout, c'est Gérald qui mène la relation, mais à un autre moment, c'est Pauline. Les allers-retours. Il y a beaucoup d'allers-retours, puis comme c'est dit dans l'entrevue, ils sont souvent séparés. Ouais. Donc, parfois, ils s'écrivent, les lettres se chevauchent, ça prend une dizaine de jours avant d'avoir des réponses. Donc, c'est une relation qui est vécue à distance, ouais, et probablement qui nourrit aussi cet amour-là qu'ils vont avoir l'un pour l'autre. Ouais. Monique Géraud, est-ce qu'elle vous en a parlé dans ces dernières années? Évidemment, Gérald a été malade, il est mort avant elle, mais cette relation-là. J'ai connu Pauline en 96. Elle est décédée en 98. Donc, Pauline ne disait plus beaucoup quoi que ce soit. Elle souffrait d'aphasie. C'était très difficile pour elle de s'exprimer. On a tenté un jour, en cachette de l'auditoire, parce que à la sortie de cet album double sur lequel on a travaillé, Pauline et moi, au choix des chansons, au choix des photos, elle avait accepté le texte que j'avais publié, on a tenté une entrevue. Mm-hmm. J'ai dit, Pauline, j'en parle même pas à mon équipe, j'en parle pas à la direction, je pars avec mon petit appareil, si tu veux, parce qu'elle voulait parler aux gens. Elle voulait remercier le public, elle voulait dire encore. C'est une femme de parole, hein. Et on a tenté, c'est la première fois que je raconte cette anecdote, chez elle, assise au pied de son lit, à plusieurs reprises, on s'est entendu sur des questions, elle y avait réfléchi, et les mots ne venaient pas, c'était bien sa maladie, c'était bien son drame, donc ça l'a mise en colère de constater qu'elle ne pouvait plus le faire, qu'elle ne pouvait pas s'adresser aux gens. Par contre, elle a écrit, elle a tenu, difficilement mais néanmoins, à écrire un mot à tous ceux qui avait, parce qu'on avait fait offert des disques aux auditeurs, et elle a tenu à écrire un mot à chacun, qui de sa main, comme ça, bon, ils ont pu recevoir un mot d'elle. Mais donc, on ne parlait pas beaucoup. On parlait des choses, j'ai envie de dire, essentielles, quasiment du quotidien, si tant est qu'on ait pu parler du quotidien avec Pauline. Et c'est terrible, on va y revenir à cette fin difficile parce que perdre les mots, quand on est une femme de parole, c'est difficile, mais on reste quand même sur le poids des mots, sur l'importance que ça aura dans leur relation. En écoutant un extrait de votre film, Pascal Ferland, Pauline Julien, Intime et politique, où on entend un extrait de correspondance, c'est Pauline qui écrit, ils sont encore très, très amoureux. C'est une relation qui est encore toute jeune. Elle écrit à son amour Gérald. Comme je t'aime, mon ami Gérald. Comme tout cela est profond et comme, malgré les remous, les contradictions intérieures, les accrochages superficiels, tu me fais du bien. Et il me semble que nous sommes parfaits dans un engrenage intime. Il y a toujours mon tempérament, les peurs, la jalousie, les désirs effrénés. Mais il y a cette entente, cette confiance, cette certitude et, comment dire, la vie, la compréhension, une certaine sagesse qui se fait jour, exigence, humour, paix. J'ai trop souvent trop loin. Mais ce qui est vraiment du plus large, surrounding all. Comme cela est très beau. Merci d'être. Tu m'enveloppes toute. À moi, il me semble que cela ne sera jamais assez, puisque j'ai tant de difficultés à être la moindre des choses. Mais tu le dis, et tu apportes tant de dimensions à mon être que je peux pour la première fois dire « penser ». 1er juin 1963. Extrait du film de Pascal Ferland, Pauline Julien, Intime et politique. C'est Dominique Quenelle que vous entendez lire l'extrait de cette lettre de Pauline Julien à Gérald Godin. Marie Tifot, vous êtes passée par là, en quelque sorte, vous l'avez évoqué, mais vous avez lu avec votre compagnon Pierre Curzi certaines lettres de cette correspondance entre Pauline Julien et Gérald Godin dans ce spectacle, La renarde et le mal peigné. Parlez-nous de ces mots-là, de ce qu'ils nous disent pour vous, qu'ils les connaissez bien, de ce qu'ils nous disent, ces mots-là, sur ce couple-là. L'image qu'on a de Pauline, ça a toujours été, c'était l'image de la passionnaria, vraiment de la femme forte, la chanteuse. Et j'ai découvert, moi, dans ces lettres-là, une autre Pauline, la Pauline amoureuse, la Pauline qui doute, la Pauline qui doute de tout, qui doute de ce qu'elle est physiquement, de ses cheveux, qui doute de son talent. Et il y a toujours le côté Gérald qui, lui, par l'humour, et c'est cette façon, tous les deux, de jouer avec les mots et avec l'humour, parce qu'il n'arrête pas de se taquiner. Mm-hmm. Et ça... Cette façon-là que Gérald a de lui dire, mais voyons, ma fille, tu sais, t'es la chanteuse du Québec, fais quelque chose de ta vie. Et ça, pour moi, il y avait ce rapport de force-là qui était extraordinaire. Ouais. Mais en même temps, tu retrouvais toujours la Pauline qui sombrait. Et puis, ce qu'il y avait de magnifique aussi dans ses mots, Pauline, elle écrivait comme une femme des années 70. Elle avait une espèce de... l'espèce de folie. Ouais. Moi, je retrouvais dans ses mots la folie qu'on avait dans les années 70. Un côté très, très songé. Et c'est percé qui est beau avec ses brumes. Et il y avait tout ce côté-là très, très fragile que je découvrais. Ouais. Et cette espèce de rapport qu'elle avait avec son amoureux, qui était d'une grande, grande force aussi en même temps. Comment vous avez vécu ça, de faire ce spectacle-là avec Pierre Curzi? Parce qu'on ne peut pas ne pas faire le rapprochement entre ce que représentaient Pauline Julien et Gérald Godin, deux artistes, l'un qui va faire de la politique. Est-ce que vous incarnez un peu avec Pierre Curzi? Il y a une parenté, me semble-t-il, assez évidente. Oui, c'est sûr qu'ils nous ont donné... ils nous ont demandé de faire ce spectacle-là parce qu'il y avait justement une parenté. Pierre quittait la politique, je crois. Moi, comédienne, c'est sûr que tous les deux... Quand on se retrouvait sur scène dans cet état-là, dans ces personnages-là, il y avait comme un moment donné où on se perdait un peu nous-mêmes. Ouais. Il y avait comme de se retrouver tous les deux dans des situations que eux ont vécues et que nous, on a vécu aussi. On était un peu troublés. Et c'est ça probablement qui faisait le succès de ce spectacle-là. C'est ça qui touchait les gens. Parce qu'ils savaient qu'il y avait comme vraiment une correspondance. Ouais. Et quand on est allé jouer ça à Grignan, en France, au Festival de la correspondance, les gens, en tout cas, ils n'avaient pas l'air de connaître ni Gérald Godin, ni Pauline Julien. Et ce qui les a touchés, ce sont les mots de ces deux êtres-là. Ouais. C'est la force de leur amour. Ouais. Et moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné aussi. On peut se reconnaître, tous et chacun. Oui, tous. Quelle place ça a occupé, quel poids ça a eu, Pascal Ferland, cette correspondance dans ce qu'a été leur relation? Je pense qu'elle était essentielle parce que sans ça, c'était une relation à distance. Donc, ouais. la correspondance était essentielle pour pouvoir avoir un lien entre les deux. Parfois, ils chicanaient par courrier. C'était vraiment drôle de retrouver ces chicanes-là. Mais pour Pauline, c'était très important d'écrire parce que c'était une femme extrêmement angoissée. Marie Tifo l'a évoqué. Et on retrouve ça beaucoup dans les lettres. Puis moi, j'ai l'impression qu'elle arrivait à disséquer sa souffrance ouais. personnelle. Forme de thérapie. C'était une forme de thérapie. À travers ouais. ses journaux intimes aussi, mais à travers sa correspondance avec Gérald également. Il flottait dans ses pantalons. De là lui venait son surnom, Beaux ou les culottes. Il y avait qu'une cinquième année. Il savait à peine compter, Beaux ou les culottes. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une polémique. Enfin, les gens disent que les artistes ne devraient pas se mêler de politique, sont là pour qu'est-ce chanter. Qu'est-ce que c'est? On est là pourquoi? Nous autres, on est des hommes, on est des femmes, on a des convictions. On ne peut pas être quelque chose sur la scène puis être quelque chose d'autre ailleurs. Je veux dire, c'est comme en amour, c'est comme... Hein? Je veux dire, si vous êtes vrai avec vous-même, vous êtes... On ne se met pas à faire de la morale sur la scène, on reflète ce qu'on est. Enfin, moi, ce que je fais dans la chanson, c'est exactement... J'essaie d'être le plus vrai possible, de parler aux gens, donc... À choisir entre la chanson, voilà. Dans votre répertoire, on retrouve des chansons d'amour et la chanson dite engagée. Ben, engagée, je veux dire, la chanson qui reflète notre position, autant Bozo les culottes de Raymond Lévesque, qui raconte des faits sur des types qui en ont marre, au fond, d'être colonisés, et autant... Gilles Vigneault qui chante « Liberté » et autant Georges Laure qui parle des ancêtres. Mm-hmm. Mais en fait, ça s'appelle la chanson engagée. C'est la chanson de tous les jours, au fond, la chanson comme on a des conversations au coin de la rue. Mm-hmm. Non? Quand tu sortiras de prison, personne voudra savoir ton nom, Beaux ou les culottes. Quand on est de la race des pionniers, on est fait pour être oublié. Beaux os, les culottes. Sur la chanson « Beaux os, les culottes », vous entendiez Pauline Julien au micro de Michel Junot à l'émission « Présent » en 1967. On va glisser dans l'engagement politique de Pauline Julien. Monique Giraud, commençons par ce qu'on vient d'entendre, l'engagement politique de Pauline Julien dans sa musique, dans ses chansons, dans ses interprétations. Mm-hmm. Quelle place ça occupe? Mm-hmm. Déjà, dans les années 60, au tout début des années 60, on est en pleine période yéyé. Il y a ceux qui, en effet, font de la chanson « dégagée », et ceux qui font de la chanson engagée. Ouais. S'il faut faire une distinction entre les deux. Bon. Et Pauline Julien n'a jamais fait de yéyé. Non, exactement. Non, ouais. Non, pas du tout. Même dans les chansons qui apparemment étaient plus légères, Le voyage à Miami, par exemple, si on pouvait gagner le jackpot, on s'achèterait une belle roulotte, on partirait, on dirait bye-bye à ton boss, puis moi au mien. C'était d'une évocation formidable. As-tu deux minutes? Je donne quelques titres comme ça pour que les gens écoutent. As-tu deux minutes, Marie? Hein, Pascal, ça t'arrache. Ouais. L'arme, quoi. Elle dit à son Roger, veux-tu arrêter d'écouter, de le dire le journal? Écoute, c'est vrai que ça, c'était écoute-moi donc deux minutes. Ouais. Bon, c'est vrai quand elle dit que c'est le langage du coin de la rue et du quotidien. Ah, que l'hiver tarde à passer quand on le passe à la fenêtre. Cette femme qui attend que son homme revienne. Mm-hmm. Bref, c'était toutes ces chansons-là sont des cours d'identité, mm-hmm. qu'on a été très nombreux à suivre ces cours-là, ouais. et qu'on suit encore. Ouais. Quand on écoute Mommy, comme on l'a fait tout à l'heure brièvement, ce sont des immersions intensives dans ce que nous sommes. Et si on ne le sait pas, en écoutant ces chansons-là, on l'apprend, on le découvre, on le comprend, on l'assimile. La chanson au Québec et dans quelques autres pays du monde a été absolument fondatrice, ouais. très, très importante. Et les chansons de Pauline, qu'elle incarnait à la fois pour le pays, mais pour les femmes, oui. pour la libération des femmes. « Je cherche mon chemin », c'est une chanson d'Anne Sylvestre. Ce qu'elles ont fait ensemble, Anne Sylvestre... C'est ces deux grands engagements. Le pays deux féministes et formidables. La question féminine. Ben oui, complètement. Ouais. Pascal Ferland, comment elle décide de s'engager. Il y a une séquence dans votre film qui est assez fascinante où elle donne une entrevue et elle explique très bien ce qui a d'abord été un peu, par rapport au pays en tout cas, une espèce d'insouciance. Elle est en France et tout à coup, en revenant à Montréal, elle découvre ce qui se passe. Comment elle en vient à l'engagement? Ses premiers actes forts d'engagement, par exemple, qu'est-ce que ce sera? En fait, sa première position politique ferme publique, c'est son refus de chanter pour la reine d'Angleterre en 1964. Et moi, j'ai, en fait, dans mes recherches, j'ai retrouvé, elle a même publié les raisons pour lesquelles elle refuse de chanter pour la reine. Et je vous le lis parce que je l'ai imprimé. Par respect pour mes compatriotes de maintenant et de 1837, date de rébellion de Louis-Joseph Papineau, je ne puis accepter de participer à un spectacle commandé pour la reine d'Angleterre, ni à aucune autre cérémonie commémorative d'une confédération qui perpétue la conquête de 1760. Je n'ai rien contre la personne de la reine Élisabeth II, mais bien contre ce qu'elle représente, et je ne peux dissocier mon activité artistique de mes convictions indépendantistes. Et donc, tout ce que va chanter Pauline, il y a un sens, c'est-à-dire c'est comme l'extension de sa pensée. C'est pour ça que les textes sont si importants pour elle, autant les textes qu'elle écrit que les textes qu'elle chante, qu'elle choisit de chanter, c'est pour elle fondamental. C'est pour ça qu'elle les cherche. Je reviens à ce qu'on entendait au tout début, Jean-Claude Germain, qui se fascinait de ça. Il y a des liens qui se font. Monique Géraud, vous dites, c'est une interprète, mais elle veut pas, elle veut interpréter des textes qui lui parlent d'abord et avant tout. Elle les cherche, mais avec un soin presque maladif. Oui, puis la raison pour laquelle elle les écrit pas tout de suite, parce qu'elle va venir à l'écriture plus tard, c'est son manque de confiance en elle. Oui. Parce qu'on le voit dans les correspondances, on le voit dans les journaux intimes, des textes qui n'étaient pas dédiés à être publiés, à quel point elle a une belle plume, à quel point elle a des choses à dire et à quel point elle est capable de les livrer par écrit. Mm-hmm. Donc, quand elle en vient à l'écriture, c'est très, très progressif et probablement que si elle aurait continué à vivre, elle aurait continué d'écrire ses chansons. Et elle sera donc très, très engagée et quand elle est, au moment où elle est une grande vedette, autant en France qu'au Québec, elle s'engage, mais vraiment de plein pied dans le mouvement indépendantiste québécois. Il y aura des gestes d'éclat, celui-là, mais il y en aura d'autres, celui de ce refus de chanter pour la reine en 64, mais il y en aura plein d'autres. Qu'est-ce que c'est pour vous qui êtes à l'époque, Marie Tifaut, une jeune militante indépendantiste? Qu'est-ce que ça représente? Quelle importance elle a eu, Pauline Julien, dans le mouvement souverainiste québécois? Ben, elle le dit, Pauline Julien. C'est pas parce qu'on est un artiste qu'on n'est pas un citoyen puis qu'on n'a pas des idées. Et je pense qu'à cette époque-là, tout était politique. La chanson était politique, le théâtre était politique. C'était le début des créations collectives aussi. L'hostie show, c'était vraiment, on était vraiment en ébullition complètement. Et aussi, c'était la prise de parole et c'est ceux qui nous montraient la voix. C'était vraiment les chanteurs. Et Pauline était, je dirais peut-être. Ben, elle n'était pas la seule, mais elle était la plus voyante. Et c'est elle qui chantait le plus fort, je dirais. Et on n'a pas beaucoup d'héros et d'héroïnes dans notre histoire. Et je dirais que Pauline, c'en est une. Mmh. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qu'on voulait suivre. Ouais. Avec une force. Il y a une image, moi, qui me vient. Je suis curieux, par exemple, Monique Giraud, je suis curieux de vous entendre là-dessus. Le 20 mai 80, bon, évidemment, Gérald Godin va faire de la politique active. Il va être élu le 15 novembre 76 dans l'équipe de René Lévesque. Premier référendum sur la souveraineté le 20 mai 80. Défaite. 40% pour le oui, 60% pour le non. Et il y a ce soir-là. Vous parliez de danseuse tout à l'heure. Ouais. Cette femme-là qui va danser en chantant du Vigneault. Ouais. Qu'est-ce que ça nous dit sur qui elle était? J'ai revu cet extrait d'archives dans le film de Pascal, et ça m'a touchée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que où a-t-elle trouvé la force de faire ça? Je me le demande encore. Et c'est très, d'autant plus touchant qu'on a perdu récemment Lise Payette, qui était elle aussi sur cette même scène. Et que d'en parler, je suis émue que d'y penser, parce que elles étaient toutes les deux sur cette scène-là. C'est l'espoir, c'est la vie. Ouais. Il faut continuer. Si je vous comprends bien, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois. Ouais. Et c'était sa manière à elle de dire ce que René Lévesque a dit en mots. Elle l'a fait en geste et elle s'est, entre guillemets, servie de Vigneault et de ses pas. Tu sais, on dit de l'humour que c'est la politesse du désespoir. La danse doit avoir quelque chose de ça aussi, j'imagine. Qu'est-ce qui restera, par ailleurs, c'est presque la fin de l'émission, mais qu'est-ce qui restera de tout ça, de ces rêves? Et vous me voyez venir, je pense à cette fin, à la fin difficile qu'aura eu d'abord Gérald Godin, mort d'un cancer du cerveau en 94, puis Pauline Julien, qui en 98 décide d'arrêter tout ça, de mettre fin à ses jours parce qu'elle souffre d'une aphasie dégénérative. La fin de votre film, Pascal Ferland, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est tout part... Tout s'écroule, la santé, l'amour, le pays. En fait, moi, je me suis servie de tout ça pour créer une métaphore dans le film. Ces deux personnages-là étaient intrinsèquement liés au combat pour accéder à la souveraineté du pays. Donc, en 1980, on perd le référendum. C'est les premiers signes d'aphasie de Pauline qui apparaissent. En 1984, Godin se fait diagnostiquer une tumeur au cerveau. C'est aussi les années 80, la période où Pauline décide de changer son image. Donc, elle est toujours vue comme une grande combattante politique pour le Québec, mais son emprisonnement durant la crise d'octobre va l'avoir marquée profondément et elle va vouloir changer cette image-là. Donc, à partir de ce moment-là, elle ne se produit plus au Québec. On ne l'invite plus à faire des spectacles. On ne veut plus coproduire ses albums. Mais elle continue de se produire en France. En France, c'est une star. Mmh. Donc, sa carrière se poursuit en France pendant les années 80, mais puis au Québec. T'sais, il y a d'autres artistes, il y a Charlebois, Diane Dufresne, etc., qui prennent le plancher. Pauline est oubliée, mais il y a ses premiers signes d'aphasie. Ouais. Donc, moi, je me suis vraiment servie de ça pour, justement, premier échec de référendum, donc la mort de Gérald, et le deuxième échec du référendum correspond, 3 ans plus tard, au suicide de Pauline. Ouais. On est à 20 ans. Là. Dans quelques jours, ça va faire 20 ans qu'elle nous a quittés. Un dernier tour de table sur ce qui vous reste quand vous pensez à elle. Ce qu'elle nous a laissé, mais vous aussi, peut-être plus personnellement. Ben, Monique Giraud. Au-delà de ce que d'autres pourraient dire aussi, parce que elle est de celles, de ceux qui nous ont fait. Je peux dire vraiment, vraiment, avec certitude et conviction profonde qu'elle est des quelques qui m'ont fait aussi. Oui. Mais ce que je garderai, c'est son dernier regard quand je l'ai déposé chez elle le mardi soir, la veille de son suicide. On était allé voir Raymond DeVos. On était ensemble, je l'ai déposé devant sa porte. Et généralement, j'attendais que la porte se referme pour repartir avec ma voiture. Et puis là, elle m'a fait signe, non, vas-y. Et puis, je pense, évidemment, a posteriori, j'ai pensé qu'elle savait que c'était notre dernier au revoir. Et c'est cette image-là que je garde. Mais celle-là, elle est bien personnelle, évidemment. D'une femme forte aussi, jusqu'à la fin. Oui, absolument, très droite. Marie Tifot. Moi, je veux garder l'image d'une flamme. D'une flamme qui va avoir brûlé toute sa vie, puis qui a décidé de s'éteindre d'elle-même dans la dignité. Moi, je vais garder ça d'elle. Pascal Ferland. On vit dans une époque sombre. Trump plutôt est au pouvoir. Le gouvernement Trudeau vient de faire l'acquisition du pipeline Trans Mountain, alors qu'on entre dans la 6e extinction massive des espèces. Il y a le mouvement MeToo. Il y a les étudiants en 2012 qui ont pris la rue. Moi, je pense que de toutes ces causes-là, Pauline aurait été. Et donc, je pense que Pauline, sa mémoire s'estompait quand j'ai décidé de faire ce film-là. J'ai voulu la faire revivre, justement, parce que je trouve que les jeunes ont besoin d'être inspirés, ont besoin de grands modèles, d'autant plus de grands modèles féminins. Et je trouve que Pauline... était une femme d'avant-garde et reste d'actualité. Et donc, moi, à travers ce film-là, j'ai voulu m'adresser aux jeunes. Et ce que j'espère, c'est que les jeunes vont prendre le flambeau de Pauline et continuer. En tout cas, merci à toutes trois de nous en avoir si bien parlé. Pascal Ferland, Monique Giroux, Marie Tifot, merci infiniment. Merci, Jean. Merci. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. C'est avec vous que je suis forte et je vous reviendrai toujours. Quand j'aurai passé la porte, laissez-moi douter à mon tour.